الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: الله نجي أيها الإخوة الكرام، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais certes, les injustes sont dans un égarement évident. Une autre catégorie également, ayo ikhwa, de nieurs et d'athées, al-mulhidoun, ceux qui ont dit que ce monde a été créé tout seul. Oui, tout ce qui a été créé sur cette terre est dû à l'attachement de parties et de molécules et d'atomes entre eux. Toute cette création est apparue tout seul selon eux, sans créateur et sans organisateur. Et ceci est une vision caduque et non valable, qui est contrée et répondue par la raison à l'aql. Car ceci est strictement impossible, ayo l'ikhwa. Toute cette création de bas en haut, du ciel à la terre, toutes ces créatures vivantes, avec cette précision et avec cette organisation parfaite, qu'elles ne puissent être gérées que par un créateur sage, tabaraka wa ta'ala. Et dans toute chose, il y a une preuve qui nous informe qu'il est unique. Et qu'Allah fasse miséricorde sur l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui un jour prit un œuf dans sa main et qui dit, rahimahullah ta'ala, voilà une citadelle, sans porte. En apparence, c'est comme si c'était de l'argent al-fidda. Et à l'intérieur, c'est comme si c'était de l'or al-dahab. Et soudain, voilà que sort un bel animal avec une belle voix et une belle forme. Tout cela nous prouve de l'existence d'Allah Jalla wa Ala. Allahu Rabbi la uridu siwahu. Allah est mon Seigneur, je ne veux pas autre que lui. N'y a-t-il pas dans la création une vérité autre que le Créateur ? Le soleil et la lune, de sa sagesse, sont des lueurs. La terre et la mer demeurent parmi ses faveurs. L'oiseau et la bête sont des glorificateurs. Les vagues proclament sa grandeur. Les poissons demandent son secours. Les fourmis sous les rochers sont sanctifieurs. Et les bourdons dans leur isolement demeurent des loueurs. Et les gens lui désobéissent publiquement et il les cache alors. Le serviteur oublie, mais non son Seigneur. Allahu Rabbi, la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فوض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور سم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه هذا خلق الله تالي لا كرياسيون دالله فاروني ماذا خلق الذين من دونه montrez-moi ceux qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Ainsi il n'y a pas de créateur excepté Allah تبارك وتعالى. C'est lui seul Allah جل وعلا, lui seul qui crée à partir du néant العدم. فإذا أراد شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et allez. Celui qui nous a créés n'est autre qu'Allah. Celui qui nous subsiste n'est autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalika min shay'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. C'est Allah qui vous a créé et qui vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera cette vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi de cela ? Gloire à lui et il transcende ce qu'on lui associe. Celui qui crée ayo l'ikhwa est celui qui mérite d'être adoré et personne d'autre. C'est celui qui crée Al-Khaliq, le Créateur, qui mérite d'être adoré et personne d'autre. C'est pourquoi l'unicité de la Seigneurie ne suffit pas, mais il faut obligatoirement avec l'unicité de la Seigneurie également At-Tawhid Al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité et de l'adoration, qui n'est autre d'adorer Allah Jalla wa Ala, l'unique sans associer Al-Wahid Al-Ahad. هذا خلق الله تالي لا كرياسيون دالله فاروني ماذا خلق الذين من دونه montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Puis Allah nous dit également بل الظالمون في ضلال مبين. Mais les injustes sont dans un égarement évident. بل الظالمون في ضلال مبين. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Allah Jalla wa Ala ainsi rend l'adoration des associateurs et des nieurs caduque et annulée. Les injustes الظالمون, c'est-à-dire les associateurs al-mushrikoun, sont dans un égarement clair et évident, un égarement n'ayant pas d'égarement plus grand, et un éloignement, n'ayant pas d'éloignement plus lointain. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Mais les injustes sont dans un égarement clair et évident, car Allah Jalla wa Ala, ayyuha al-ikhwatul kiram, aura certes jugé sur celui qui adora autre qu'Allah Jalla wa Ala, qu'il fait partie de ceux qui sont les plus égarés. Allah Jalla wa Ala nous dit dans sourate Al-Ahqaf: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et certes leurs divinités seront indifférentes à leur invocation. Ainsi celui qui crée est celui le seul mérite, et celui qui seul mérite d'être adoré et personne d'autre. Et qu'Allah fasse miséricorde sur le bédouin, l'intelligent et l'éveillé, qu'Allah a donné comme bienfait qu'il soit rentré dans l'islam et dans le tawhid. Le jour où il a adoré les statues al-asnam, il aperçut un jour un renard urinant sur sa statue, qu'il adorait en dehors d'Allah. Et alors il se rappela, il réfléchit, et il médita et il dit: un renard fait ses besoins sur une divinité, celui qui est dans cet état, et Allah est abaissé. Il aurait pu se défendre lui-même, si seigneur il était. Et il n'y a pas de bien dans un seigneur des demandes éloignées, des statues de tout le monde, j'en ai plus la responsabilité, et j'ai cru en Allah qui est le puissant et l'adoré. Quelle que soit l'avancée technologique de l'être humain, s'il adore autre qu'Allah Jalla wa Ala, il se trouve alors dans des mirages superposés, et dans une perte sur perte, et dans un égarement sur un égarement, et qu'Allah fasse miséricorde. Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, qui nous récite ce poème en parlant des gens qui ont adoré Al-Masih ibn Maryam en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: A'ubbad al-salib ilana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا منه شهور لدى الظلمات من حير غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا لثديفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله فيا عبد المسيح أفق هذا بدايته وهذا منتهاه تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كل عما افتراه. Aux adorateurs de la croix, nous avons une question. Nous voulons une réponse de celui qui la comprend. Si une divinité meurt à cause d'un peuple qui l'a tué, est-ce cela un dieu véritablement? Et c'est étonnant de voir une tombe contenir un dieu, et encore plus étonnant un ventre y habitant. Il reste à 9 mois dans une obscurité, avec des monstrues comme aliment, et sorti d'un orifice un faible petit enfant, sa bouche au sein ouvrant, il mange, et il boit, et il effectue la conséquence. Est-ce cela un dieu sincèrement? Adorateur du Messie, ainsi réveille-toi. Ceci est son début et ceci est son aboutissement. Allah est au-dessus de la calomnie de ceux qui lui ont attribué un enfant, et il sera jugé sur tout ce qu'il défend. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit ainsi: خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans pilier qu'il ne puisse voir. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer sur vous. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Telle est la création d'Allah. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Certes, les injustes sont dans un égarement évident. Voilà, ayyuha al-ikhwa, en ce qui concerne tout ce qui peut nous sortir de leçons et de morale, et d'enseignement et d'interprétation, quant aux ces versets, ces paroles d'Allah Jalla wa Ala, de cette sourate noble et bénie, sourate Luqman, As'alullah Jalla wa Ala, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont les doués d'intelligence et ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Allah et son messager en sont innocents. Et je demande à Allah Jalla wa Ala d'évoquer en bien dans les grandes assemblées, de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et d'accorder sa bénédiction à son noble messager, ses compagnons, ses bien-aimés, et sa famille, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière vocation, ayyuha al-ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil alamin.